Allô? Ouais. T'es là? Mais t'es où là? Je suis là. Bah, je suis où suis-je? Je me suis déconnecté. Ok, t'es déconnecté, mais là on commence dans deux minutes, même pas gros. Hein? Bah ouais. C'est la prise. Y'a Kev, y'a tout le monde est là, tout le monde est installé, on t'attend j'arrive, gros. J'arrive. Fred, mais pour toi c'est fini les vacances, c'est terminé les vacances, ouh, Planète Rap ça reprend, c'est reparti. C'est le retour de mon émission préférée. C'est reparti pour une nouvelle saison de Planète Rap. Aïe aïe aïe, t'as kiffé tes vacances, Pico. Tu vas kiffer ta rentrée sur Skyrock. Yeah, c'est enfin le retour de Planète Rap. Encore une fois, plus de 500 artistes passeront au micro de Planète Rap. Allô, les auditeurs de Skyrock. Hey, what's up? Un big up à l'émission de référence. Salut la famille. Salut. Aïe aïe aïe, yeah, bitch, c'est Planète Rap. C'est la famille. Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. Yo yo, Sky. Je serai sur Planète Rap. On sera là. Pour t'offrir des centaines d'heures de live. Skyrock Flow. De freestyle inédit et d'infos exclusives. J'ai pas trop d'inspi, mais bon. La nouvelle saison de Planète Rap, ça reprend maintenant. Et c'est reparti depuis le début de semaine avec DJ Kaze. Yes, on est jeudi, quatrième soirée avec toi, ouais. Kaze. Eh oui. Avant de te retrouver aussi ce week-end, puisque le dimanche soir il y a Kaze sur Skyrock, t'as pas loupé pour Rise Supreme. Mm-hmm. Depuis quelques mois maintenant, ça marche fort. Ça marche fort, ouais. On est content. Bon, tout va bien. Tout va bien. On est à 4 jours maintenant de la sortie. 4 jours exactement. Lundi 25. Lundi 25 août, toujours en précommande. L'album paraît en New York. À un prix, mais. C'est un prix modique. Ouais. 6,99€, 25 titres. C'est bien parce que la rentrée souvent s'annonce pénible. Donc voilà, 6,99€, vous avez 25 titres inédits signés par DJ Kaze et beaucoup, beaucoup d'artistes présents sur le projet Paris, Oran, New York qu'on découvre tous les soirs de la semaine. D'ailleurs, ce soir, pour cette quatrième soirée, on a ramené un invité qu'on aime beaucoup, oui. L'artiste Babe. Ça, voilà, qui fait beaucoup parler de lui. Il y a eu le morceau justement de DJ Amida qu'on a beaucoup entendu, déconnecté avec Kaina, avec Remka. Voilà. Et avec toi. C'est ça. Et il y a dans l'album, donc il y a le morceau, c'est Full Bordel, c'est un gros titre et on va le faire découvrir ce soir. Bon, ça va bien? Ça va. Un peu de vacances, un peu de repos? Même pas. Franchement, je suis resté dans la grisaille de Paris. J'attends que ce soit moins cher au Maroc pour partir. Très bien. Donc, direction le Maroc. C'est vrai, quand tout le monde va rentrer, toi, tu pourras partir tranquille. Exactement. Il a tout compris. Eh ben, il a tout compris. Nous, on a tout compris aussi, puisqu'on va se remettre un petit moment de l'émission d'hier soir. Ceux qui n'étaient pas allés hier soir, voilà ce que vous avez loupé avec DJ Kaze dans le Planète Rap spécial Paris en New York. Planète Rap. Le replay. Comment ça va, Kaze? Ça va très bien, en super forme. Forme olympique, forme. Là, ce soir. Ouais. Première session mix dans l'émission. Allô. Allô. Salut Kenza. Salut. Allô. Ça va Kenza? Ça va, au calme, et vous? Bah nous aussi. Je tenais à vous avoir au téléphone pour soutenir le projet parce que franchement, voilà, c'est un très très très beau projet et je suis super contente d'avoir participé à ce projet, à ce titre avec Diesel, ma frère. Nous avons encore un autre coup de fil après celui de Kenza Farah, un autre artiste présent certainement sur l'album. Ça doit être ça. Allô, c'est qui? Allô. Ce monsieur s'appelle H Magnum. Comment va? Ça va H? Ouais, comment tu vas, frère? Bah en fait, il devait être là ce soir. Bah, c'est ça, parce que moi, on m'avait annoncé ce soir, il y a H Magnum et tout. Et qu'est-ce que... J'ai raté mon vol. Ouais, voilà, tu es où? Je suis au Maroc. Ah ben. Marrakech. Il est bien. Marrakech. Diesel, on t'a fait attendre. Merci. Maintenant, tu peux te lever. Je peux me lever. Allez, on y va. Let's go. Justin. Ok. Je pose mes pieds au sol, je prends ma douche, je décolle. Deux, trois tours dans la ville où tout le monde me questionne. J'ai pris mes écouteurs pour adoucir mes mœurs. Me raconte pas ta vie, je sais que tu m'étonnes. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vagabonde, vagabonde, extension, allez, elle est blonde. Vagabonde, vagabonde, Amidou, mais dis-moi, v'là les loups, solo fraîche, Yamadou, mais dis-où, Amidou, 140, v'là les loups, v'là les loups, v'là les loups, DJ Kaze. Voilà ce qui s'est passé hier soir, ce soir encore jusqu'à 21h avec l'artiste en invité. L'artiste, mm-hmm. un petit mot sur l'artiste, ouais, Kaïs, que tu l'artiste, suis depuis un petit moment qu'on se connaît, ouais. Et j'ai suivi un peu son ascension et depuis ces 2-3 dernières années, il fait que des titres efficaces, mm-hmm. et c'est bourré de talent et beaucoup d'imagination, il arrive à se démarquer des autres MC et il est pas fermé que dans le rap et il peut faire plein de choses et c'est pour ça aussi qu'on l'a invité et en club ça démontre ce qu'il fait. Et en radio aussi, on le voit. Donc, mais c'est vrai, ouais, tu tournes pas mal en club aussi. Ouais, ouais, je tourne beaucoup. Mmh. Bah, merci déjà, Kay. Merci de ces compliments. Ouais, c'est vrai qu'on se connaît depuis un moment. 2007, je crois. Ouais, 6-7 ans, un truc comme ça. Voilà. Donc au tout début de ta carrière, pratiquement. Un peu, ouais, et voilà. Au début de la mienne aussi. Tu et vois, au début de la tienne. Moi, je sortais beaucoup pour croiser des producteurs de musique, des gens qui font de la musique. Je voulais apprendre. Il était tout timide au départ. Exactement, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ils étaient dans une petite boutique dans Paris. Et c'était sympa. Franchement, on a eu des bons moments. On a échangé. C'était quoi cette boutique? Tu faisais quoi? Étoile Verte à Barbès. C'était un ouais. magasin de disques avec lequel on distribuait nos CD à l'époque. Et il était venu avec un ancien label qui avait fait du bruit aussi. C'était French Cut. Hein. French Cut à l'époque. French quoi. Cut, et où, avec qui il collaborait. Et il nous avait présenté. Et j'avais pas encore écouté ce qu'il faisait, mais c'était un gentil, sympa personnage. Et bah, très bien. Bah, tu vas être là avec nous tout à l'heure. On fera un quiz ouais. aussi avec, tiens, avec vous deux. On fera un petit quiz basé autour des DJ qu'on fait des sons. Mm-hmm. Donc, ça te permettra de donner aussi ton avis sur les différents DJ qu'on écoutera dans un instant. Et là, justement, Case avec H Magnum, avec mm-hmm. Maître Gim. Ça aussi, mm-hmm. c'était un des gros cartons de l'été. Mm-hmm. Le morceau du Swag. Du Swag, ouais. On débute avec. Allez, c'est parti. Planète Rap spécial Paris, au rang New York. Il suffit pas d'avoir de la sap ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il te faut du Swag. Paris, au rang New York. Juste baby, ça fait pas comme un sport. Yeah. Ça prend des piges et des piges. Il suffit pas d'avoir de la sap ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident. Il te faut du swag, du swag. Baby, du swag. Ça fait pas comme un sport. Du swag. Ça prend des piges et des piges. Demande à Skalpovic, trop de lusty. J'kick ça de spi, prends mon Yeezy. Tu veux du swag, il te manque ce truc qui fait que soudain tu te démarques. On se fait pas remarquer, on est remarquable. Faut le dire, personne nous rattrape. Swag et même on peut ski, j'reste plus un merci, passons. Trop de compliments, pourtant j'allais juste pisser. J'ai glissé ma toile comme piqué. L'expliquer c'est trop compliqué. Être chic c'est pas l'échec. Et qu'est-ce tu perds la tête. Mais au fait quitter. T'aimerais nous côtoyer. T'es sur la liste rouge. Sur la piste tu bouges. Mais t'as pas trouvé la loose. Ok t'as des loves. Mais t'as pas le level. T'as mis un LV. Putain. Et je sais pas d'avoir de la sap ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques. Mais c'est évident qu'il faut du swag. Du swag. Baby, du swag. Ça vient pas comme un spoil. Du swag. Ça prend des piges et des piges, j'ai des sémis. Suffit pas d'avoir de la sap ou bien de la marque. Je sais pas si tu le remarques, mais c'est évident. Il te faut du swag. Du swag. Baby, du swag. Ça fait pas comme un spoil. Du swag. Ça prend des piges et des piges, j'ai des sémis. Ça fait du hip hop, tip top. Personne ne nous stoppe, c'est chic shop. Un hip hop, petite frappe. Ton style à l'odeur d'anti. Je l'ai déjà dit, nous tester ne venez jamais. Toi t'arrives, on connaît, moi je repars en jumeau. Une pour ma mate de cliché, la famille Tuna. Zim Zima, encore un son de Zona. Tu te prends la tête avec ton survêtard, dis dans la tête. C'est dans le sang la tech, même quand jardine sans lacet. Je t'ai pas d'enlacé, j'ai toujours un padio dans l'assiette. T'aimerais enlacer, mais ce soir le physio t'a rappelé. Je sais pas d'avoir de la sap ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il te faut du swag. Du swag. Baby, du swag. Ça fait pas comme un spoil. Du swag. Ça prend des piges et des piges. Du swag. J'ai des sémis. Suffit pas d'avoir de la sap ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il te faut du swag. Du swag. Baby, du swag. Ça fait pas comme un spoil. Ça prend des piges et des piges, j'ai des sémis. Je sais pas d'avoir de la sap ou bien de la marque. Je sais pas si tu remarques, mais c'est évident qu'il faut du swag. Du swag, baby, du swag. Ça fait pas comme un spoil. Du swag, ça prend des piges et des piges. J'ai des sémis. c'est sur Paris, Oran, New York. Ouais. Du swag à l'instant. Swag, ouais. Avec DJ Case, avec Ash Magnum, avec Maître Gims. Tous les soirs, on essaie d'être swag. Donc ouais, bah, attends, c'est, pour l'instant, c'est réussi. Swag aussi avec les chichas. Chaque soir, c'est Planète Rap Chicha Club. Chicha, avec le Velvet Lounge qui est là. Qui nous met bien. Dans le 19e à Paris et la Villa aussi, 17e à Paris, avec Crimo et Ali. Voilà, mais merci à vous deux, hein, messieurs. Un petit régal. Moi, j'ai pomme ce soir. Moi, c'est menthe vanille. D'accord. L'artiste, toi, t'as. Moi, c'est Ketama. Ketama. Je vais goûter ton, Ketamix. Il m'a l'air pas mal du tout. Vu tes yeux, il m'a l'air pas mal du tout. Si, si. Bon, on va faire un petit quiz maintenant, si tu veux bien. Ouais. Case, tiens, face à l'artiste. Ouais. Petit quiz entre vous deux, c'est simple. Vous allez voir, il faut reconnaître le nom des morceaux. Ah, d'accord, il faut bim bim. Ah, c'est un versus. Ouais, enfin, on a pas installé encore les buzzers cette année. On a eu un problème de. On fait le bruit de la bouche. Fred est condamné, on a un petit problème de rentrée, comme d'hab. Hein, la rentrée est dure pour tout le monde. Donc, il faudra hurler. Ou dire tout de suite le titre, comme vous voulez. Allez. Allez, vous allez voir, c'est très simple. Premier quiz, premier extrait musical. Vas-y. DJ Snake, Get Low. Get DJ Low. Dylan Francis. Ouais. Je t'ai laissé celui-là. Ah, c'est facile. Je t'ai laissé. Je suis DJ. T'as... Ouais, il est DJ, c'est pas du jeu. Et bien justement, on va te laisser répondre un petit mot sur Snake. Quelqu'un qui connaît Snake. C'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on a connu il y a... Mais sérieusement, en 2002, j'allais dans une petite boutique qui s'appelait Samad Record, rue Saint-Martin, où il faisait son BEP, il vendait des disques. Donc, et il était en stage en fait. Et je me souviens à cette époque-là, moi je faisais des cassettes et il me dit ah c'est cool ce que tu fais, comment tu fais ça. Et aujourd'hui il a une carrière internationale. Ouais, il cartonne aux États-Unis. Il cartonne et il a une super culture musicale de par justement avoir fréquenté les disquaires à Châtelet-Léal. Et sur scène c'est un tueur à gages et il est en avance. Il a été en avance sur nous parce qu'il est très vite sorti des frontières pour aller mixer à l'étranger et il a une super science du clubbing. Donc il maîtrise vraiment le clubbing. Valeur sûre. Ouais, valeur sûre. Bah, ouais, on peut le voir. Il est lourd. Très, très fort, ouais. Il y a son, Thundered Forward. Qui était incroyable avec Lil Jon. Voilà. Hein. Et quand tu vois que tu fais danser la planète entière, c'est que c'est assez validé, ouais. Petit génie, ouais. Bon, un point par contre. Pas de soucis. Il va falloir saisir maintenant l'artiste. Deuxième extrait. Econ, David Guetta. Bah, tu me l'as laissé. Le point, il est pour l'artiste. Il a pas dit le titre. Hein. Sexy Beach. Ou Sexy Bee. Sexy Chic. Un petit mot sur Guetta, ça te touche ou pas toi, Case? Guetta, oui aussi, ouais, quand même. Ouais. À partir du moment où je te dis, c'est mondial, c'est qu'il y a quelque chose et voilà, il a fait ses preuves, il a ramené les gros noms tels que Econ, Nicki Minaj, 50 Cent. C'est pas un travail de 2 ans, c'est un travail de 20 ans et ça a porté ses fruits il y a 2-3 ans et puis là, il est encore là. Et ça a servi surtout à la musique, je pense. Je pense le fait de ramener des artistes urbains rap sur des titres un peu plus club, ça a ouvert le rap à un autre public, je pense. Et je pense qu'il a pas servi à rien. Good job, et surtout pour les DJ derrière les DJ français sont plus validés de par grâce à DJ. Exactement. David Guetta, Snake. Voilà, c'est bon pour le DJing français. Bon, un partout. Troisième extrait, c'est parti. Déconnecté. Avec l'artiste Kaina Samet, Rimka, DJ Amida. Carton aussi de cet été, DJ Amida. Et DJ Amida, c'est quoi pour toi? C'est concurrent? Est-ce qu'il y a une compétition? Non, ce qui est formidable, c'est qu'on se connaît depuis longtemps. Et j'ai suivi aussi sa progression. Et au jour d'aujourd'hui, il a atteint une maturité musicale qu'il n'avait pas avant, qui aujourd'hui ça déchire. Donc quand ça cartonne, vraiment, c'est bon pour tout le monde. Bah, c'est bon pour tout le monde. Et c'est un mec sympa en plus. Et il charbonne. Il charbonne et ça marche pour lui. On est très contents. Bon, par contre, en retard sur l'artiste. 2-1. Ouais, j'étais taclé là sur ce coup-là. Quatrième extrait, attention, soyez prêts. Mystery ou Abdel? Non, c'est moi qui ai bipé. Ouais, mais t'as fait Pouink. Tu t'es fait avoir par le Pouink. DJ Abdel Francisco. Ouais. Mystery ou bon, Abdel, sachez pareil qu'il y a une affection particulière. Parce bien que sûr, on se connaît depuis longtemps aussi. Et ça fait partie des références partie, avec bien Cut. Sûr, Cut Killer, Abdel, ouais, c'est vraiment les anciens et ils sont encore là. Bon, 3-1. On va rester peut-être sur le dernier extrait. On va dire que c'est l'extrait final. C'est-à-dire que celui qui remporte cet extrait. Celui-là, il vaut 5 points. Ah ouais, il remporte 5 points. Ah, 3-1 là. Il y a bah pas oui, de 3-1. Oh, non, mais là, les compteurs sont remis à 0. Okay. C'est quoi, les compteurs sont remis à 0. Je vais poser la manette là, sur ce coup-là. Attention, dernier extrait, c'est parti. Les princes de la ville 113. Ah, mais le DJ. DJ Mehdi. Ah oui. Voilà. Bon, égalité. Allez, c'est bon, on finit sur une égalité. Allez, ça va. Non, mais je vais qu'on finisse sur Mehdi. Alors, je sais pas s'il fait partie de tes références, mais voilà, non seulement c'est un personnage qui manque beaucoup. beaucoup, je trouve, sur la scène musicale. Sur la French Touch. Ouais. Vraiment, qui a ouvert aussi, voilà. Qui fait partie de ces gens qui ont été les premiers à explorer justement l'univers électro, l'univers. Qui nous a quitté trop tôt, RIP à lui. Voilà. Et une pensée, on l'oublie jamais, en tout cas, Mehdi. Avec cet extrait du 113 pour Prince de la Ville. Bon, un partout, c'est pas mal, on va dire, ce quiz, pas mal. On reste sur un égalité. Égalité, mais c'est toi qui vas taffer, tiens, c'est toi qui remporte le pompon. Parce que tu vas partir au platine maintenant, Kay, si tu veux bien. Ouais. Session DJing avec Kay, c'est quoi? C'est une petite session, tiens, prends le micro qui est juste devant toi, Kay, qu'on t'entend bien. C'est quoi? C'est une petite session qu'on peut écouter dans Rake Suprême ou c'est un mix inédit? C'est un mix un petit peu de tout, clubbing, soirée. Avec des petits titres de l'album et des titres aussi de Rise Supreme. Allons-y, c'est parti maintenant sur Skyrock, un petit mix de DJ Kays pour Paris au Grand New York. Ça sort lundi. DJ Kays. DJ Kays, ay ay ay, DJ Kays, yes, fucking LG. chacun son délire et surtout chacun sa chance. Mais c'est pas grave, on s'en fout, soyons heureux. La session mix, voilà, très bon début de soirée dans Planète Rap Paris Oran New York avec DJ Kaze et cette session mix à l'instant, des gros morceaux de soirée, hein. Ouais, gros morceaux de soirée, un peu d'improvisation et des titres. On s'est mis Jules fidèle à ma team qui est sur le projet aussi, l'Algerino, grosse garde-robe, ça donc tout ça c'est des exclus et Kenza Farah, Diesel et Fatman Scoop et le titre c'est Matrixé. Voilà, Matrixé, des morceaux aussi qu'on retrouve sur Paris Oran New York. C'est ça, ouais. À découvrir toute la semaine entre 20 et 21. Qu'est-ce qu'on va passer d'ailleurs ce soir, Kaze? Ce soir, oui, on a un live tout à l'heure avec l'artiste. Ouais. On va mettre justement, on va placer l'exclusivité de l'album avec l'artiste et Camro. Le titre, c'est Full Bordel. Ah oui, tu sais pas, tu connais pas, vu, il a oublié le titre. Quel est le nom du morceau sur le CD1 hein, plage 8? Full bordel. Non, c'est 10. Non, c'était le morceau d'Amidou et LECK, Arabian Bad Girl. Dommage. Bon, tu vas m'apprendre le tracklist pour demain, pour la dernière. Par cœur, Full Bordel, c'est sur le CD1, la 10. Ou alors, si on précommande dès maintenant, bah, on a les 25 morceaux qui tombent. C'est ça. Qui tombent un peu avant tout le monde dans la nuit dimanche à lundi. Mm-hmm. Pour faire la fête avec DJ Kaze. Exactement. Et la sortie de Paris Oran New York. L'artiste a un live aussi prévu tout à l'heure. Ouais. Ouais. Et je voulais aussi dire à Kaze que j'ai écouté les autres titres, pas que celui que j'ai fait. Et franchement, je trouve très très percutant et très efficace en fait. Et je voulais te dire bravo mon pote. Merci mon pote. Franchement bravo. Ouais. Le titre là qu'on a fait ensemble, en fait, ça s'est passé de la manière suivante. Je lui ai envoyé une instru assez spéciale parce que bon, à la base, moi, je suis connu pour l'oriental et on aime bien les fusions. Et là, c'était une fusion orientale et ce qu'on appelle le style Moon Button, c'est-à-dire un petit peu le style Diplo Major Lazer. Mm-hmm. Et on a fait une fusion des deux et il a percuté direct parce qu'il est aussi à la recherche de l'innovation et tenter des choses qu'il n'a jamais fait. Et on l'a fait avec un ambianceur Camro et il a kické direct. On va l'écouter tout à l'heure. Restez connectés, ça va être la violence. Et bah, bougez pas, ça arrive dans un instant ce morceau sur Skyrock. Petite question aussi pour repartir avec l'album Paris Oran New York. Question dure, attention là, ce soir. Question dure, il a fallu écouter depuis lundi. La réponse s'est trouvée lundi, mardi, mercredi. Faut pas que je le dise là. Ah non, là tu le dis pas. En quelle année a débuté le projet Paris Oran New York? Tu sais, c'est ces fameuses mixtapes que tu faisais. Ah, exact. Ouais. Au tout début, quelle est la première année? Toute première année où t'as la balancé première ça année du premier volume. Du premier volume. Si vous avez la bonne réponse, allez-y, 41759. Vous balancez aussi sur les réseaux sociaux avec le hashtag DJ Kaze sur Skyrock. Vous laissez bien votre prénom, numéro de téléphone. Et on file la réponse dans un instant. Bougez pas, le retour de DJ Kaze, Paris Oran New York. La sortie, c'est lundi. Lundi 25. À pas louper. You're listening to Skyrock. Comme toi. Comme toi. DJ Kaze a choisi Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. DJ Kaze, balance la derbo Kaze, s'il te plaît. Attention. Extrait de Paris, Oran, New York. Dans les bacs le 25 août, avec l'artiste Camro et DJ Kaze. Jamais tire pas sur ma chicha, surtout si t'as les dents jaunes. On est là pour la déconne, on sera pas tous les jours jeune. Toi t'es là, t'es sérieux, mais tu passes une soirée chère. Fini les portes du rail, ma cité a déjà craqué. On move sur du rail avec des gonzesses à croquer. Si les keufs nous écoutent, faut DJ Kaze, le 25, dans charbon, les packs, le 25 août. Respecte la mise. Les traces sur son bras, c'est le fer, pas délice. Talons aiguilles, team grosse cuisse. Bac plus Maroc, bête de vis. J'ai refusé des trios avec des jolies femmes. Faut pas non plus abuser, je vais sauver mon âme. Nachetan, en bécane, DJ Kaze, l'artiste, c'est obligé que t'es fan. Big up à tous les clubbers de Paname. Rue Pontieu. Camille Azouz. Just on record. Fais pas ta jasmine, il a rien dans l'aladin. T'as cru qu'il était plein, t'as fini au baladin. Fais le tour du périph', c'est comme ça qu'on se baladin. Qatari est champion, toujours numéro 1. Que Dieu me pardonne, j'ai vidé des bouteilles. Je repasse pour les gros, c'est la main tous mes reilles. Je sais qu'un jour je vais couler, oui que je vais vous saouler. Mais tant que je serai là, la concurrence va recouler. Remix jusqu'au bout de la night. Autant c'est abusé, c'est le phénomène. Jusqu'au bout de la night, la musique nous a usé. C'est le phénomène. Champs-Élysées, Cisboto, Pizza Pino, Focatello, tu connais la suite. Oh, la fille à sa maman. Encore moi. Mon Kaizune. La fille à sa maman. Tu connais les bails, hein. Je connais. Tu vas la secouer. Vraiment, vraiment. Tu vas la secouer. Fou le bordel, fou le bordel. DJ Kaiz artiste, fou le bordel. Fou le bordel, fou le bordel. Camerounais, ça sent DJ Kaiz, fou le bordel. C'est le 25 dans les bacs. DJ Kaiz, l'artiste, Cameroun. Le morceau d'achat. L'argent des gens nourrit les gens, mais l'argent de quelqu'un, c'est l'argent de l'autre. L'argent de quelqu'un, c'est l'argent de l'autre. Il ouais, fallait pas louper cette phrase. Le morceau, vous le retrouvez sur Paris, Oran, New York. Exact. Avec l'artiste, avec Camro. On l'a fait découvrir sur Ice Supreme. On a mis des extraits, il y a eu énormément de retours. Et c'est un morceau, je pense, qui va cartonner. Et bah, allez-y, allez cliquer, allez récupérer cet album qui est déjà en précommande. Et sinon, lundi 25 août dans les bacs. C'est ça. Dans 4 jours, loupez pas la sortie. 6,99€, c'est déjà en précommande. Il y a quelques minutes, j'arrive toujours pas à y croire hein, que ça a ce prix-là. C'est hein. Magnifique. Tu dis, c'est de l'euro, du dinar. Ah, dinar, je veux bien prendre aussi. Hein, mais non, c'est en euros. 6,99€. Il y a quelques minutes, je posais une question. En quelle année a débuté le projet Paris, Oran, New York? La réponse, Kaiz. Il y a eu beaucoup de réponses aussi, beaucoup de bonnes réponses. Alors, la réponse, le premier volume Paris, Oran, New York, j'ai distribué dans les réseaux Clignancourt, Barbès, Chacha et Léal, donc mixtape, on le vendait sous le manteau. C'est en 2005. 2005. Voilà, voilà. Le tout premier projet qui est arrivé. Donc, toi, t'allais quoi? T'allais démarcher les. Exactement. Les gars, des magasins, des stands. Voilà, on avait des petits plans, des mecs qui fabriquaient. On fabriquait quelques CD. Et puis on allait démarcher, on faisait du dépôt-vente et voilà, c'était les débuts. Et après ça avait cartonné, et puis je suis resté sur cette marque-là en fait. Et pas de doute à l'époque en me disant bon, je fais ça, mais c'est ma passion, après je passerai peut-être à autre chose. Bah en fait, quand tu t'y attends pas que ça t'arrive. Pour moi au début je travaillais un peu à l'époque, et puis on faisait un peu de la musique par kiff. Et puis après tu te rends compte que ça commence à devenir sérieux, et puis tu t'y attends pas. Mais quand tu t'y attends et que tu te dis que tu vas tout arracher, non, c'est y a rien. Et tu le fais aussi parce que tu crois aussi. Aussi tu y crois, ouais. C'est pour ça que toi, tu te lèves tous les matins et que tu te dis voilà, je vais faire un truc aujourd'hui pour ma carrière, pour. Au début, je me prenais pas vraiment au sérieux. C'est quand ça y a eu une certaine ampleur que là, je me suis dit ah, il se passe quelque chose. Bon bah c'était en 2005. C'est ça. Bravo pour la bonne réponse. Album dédicacé Paris, Oran, New York. L'artiste, dans un instant, tu vas nous faire un petit live. Yes. Ça arrive dans quelques minutes. Là, on a le temps aussi juste avant de passer au freestyle par téléphone, d'écouter un morceau. Qu'est-ce qu'on met de voilà, Paris, on va Oran, mettre New York. Notre ami El Matador. Le titre c'est Copacabana. Alors c'est un gros titre aussi qu'on a fait découvrir sur Ice Supreme, un titre vraiment été, style reggaeton, et gros big up à El Matador, Marseille. Allez, on le balance maintenant sur Skyrock, ça sort le 25 août. Yeah, El Matador, DJ Kaiz, chapeau de paille au calme, sirop d'un mojito. J'écoute plus les rappeurs, la plupart sont des gros mythos. J'ai cassé ma télé, j'ai jeté ma radio. J'ai quitté les gens qui surveillent ma vie derrière leur rideau. Je ne veux plus me lever aux chambres du cocorico. Des convocations à répétition au comico. Je veux me dorer la pilule sur les plages de Porto Rico. Me lever, fumer un cigare, me rendormir aussitôt. C'est ça la vie, c'est ça la vie. 40 gallons pour au soleil. Je veux juste oublier mes soucis et m'exiler avec un max d'oseille. C'est ça la vie, c'est ça la vie. 40 gallons pour au soleil. Je veux juste oublier mes soucis et m'exiler avec un max d'oseille. Direction Copacabana. Copacabana, Copacabana, Copacabana. J'ai sorti mon cigare à la Havana, chemise Hawaii, Anthony Montana. Copacabana, Copacabana, Copacabana, Copacabana. J'ai sorti mon cigare à la Havana, chemise Hawaii, Anthony Montana. Copacabana à l'instant, extrait de Paris, Oran New York, DJ Case avec El Matador sur Skyrock, Planète Rap 2021, l'artiste en live dans quelques minutes, l'artiste qu'on retrouve sur le projet de DJ Case, Paris, Oran New York, avec nous entre 20 et 21. Je rigole parce que entre l'artiste et DJ Case, il est très poli pour les casques tous les deux. Bonjour, tiens, tu prends celui-là? Non, je te fais celui-là, moi je te fais celui-là. Bon, dans un instant live, l'artiste, il nous fera quoi? Ouais, bah, tu on veux. Va... On va improviser. On va improviser, je pense. On va improviser. Et puis, il y a un titre qui a fait énormément de bruit, qui l'a fait un peu connaître dans l'univers du clubbing, c'est Remettez. Remettez. Ouais. On a joué. On le demande souvent, donc je pense qu'on va faire celui-là. Mm-hmm. Et le jour où moi j'adore que ce morceau. Tu le joues dans ton émission. Exactement. Dans ce morceau, il y a des clips, il y a des images qu'on peut voir aussi. Grave. Ouais. Allez cliquer. Allez voir ce morceau, Remettez. On va le faire en live dans un instant, juste avant. Freestyle par téléphone avec Mokhtar Dolnay. Salut Mokhtar. Ouais, Fredo. Ça va bien? Bien, et toi? Alors cette reprise, toi t'es parti en vacances, boulot? Ouais, on est parti en vacances, sinon ça taffe. Hein. Eh bah ça taffe, bah bienvenue avec nous, il y a DJ Case, l'artiste, ils sont là. Enchanté les gars. Salut mon soir. Frère. Et attention, je le répète pour tous les freestylers, difficulté pour vous cette année, il faut tenir un freestyle concis, précis, clair, efficace, en 1:30 et au bout d'une 30, si vous ne finissez pas, vous entendrez ça. Le gong final. Du parasitage, hein. Exact, Mokhtar. Parasitage cette année, cette saison dans Planète Rap. Moi, ça devrait aller. Bah, je pense que ça devrait aller aussi, je te sens bien. Allez, c'est parti, Mokhtar, c'est son freestyle par téléphone, on y va. C'est parti. Mokhtar, pour DJ Case, l'artiste sur Skyrock. Rap, au nez. Ils peuvent pas m'entendre, je suis trop borné pour eux, coup de vent. Tu peux me perdre un peu ce que j'aimerais faire, est-ce que je suis incapable d'accomplir? J'ai pas besoin d'accomplir. Chaque association c'est un supplice. Pour question de face propre des souplettes. Entre les suiteurs qui cassent le dos en mille et les acteurs qui pratiquent tout sans billets. Tu veux grailler bientôt, faudra qu'il la plupart de qu'un pile sans se mouiller. Mais je t'emmerde, arrête de faire l'hypocrite. J't'ai vu t'es au shit. J't'ai vu enrouler des spliffs. T'es sur les bonnets du rip. À 12 ans j'ai connu les armes. À 16 la rue et tous ces drames. La fête les boîtes et tout le haram. On a tous ces merdes et c'est grave. Daron a peu de force pour nous faire grailler, c'est le drame. Si j'arrête, croyez pas que c'est pour vous. J'ai plein de projets, croyez-moi, j'irai jusqu'au bout. Les frères, on les connaît, les traîtres, on les a dégommés. Pas ces crêpes, là, c'est formé. J'ai tenté de lutter, ils ont tout fait pour me buter. L'oseille est pas un chat pour te permettre d'écouter. Si j'échoue toute une escouade pour m'aider à chuter, il est loin de des rêves et des ambitions. Aujourd'hui, c'est marche ou crève, et c'est qu'une merde, c'est ta pas l'union. La vie est courte et jusque-là, j'ai raté pas mal de fois. J'ai perdu tant qu'il passe, c'est la même pour tout le monde. Quand t'échoues là où d'autres réussissent, tu dis pourtant c'est tout con. Quand t'as vous, je vous prenais pour du bras. On aurait dû faire des putains de choses graves. Ils tombent de haut quand tu prends ton côté des traces. La rue croit pas que c'est magique. La street c'est dur et puis parfois c'est tragique. Un putain de canular de l'année soit à la mort. On te manque de patience. Que toi tu parles de mon côté, j'en suis content. Ok, ouais. Ok, Mokhtar, bien, t'as tenu hein, jusqu'au bout. Le gong est arrivé, mais bien, parfait, ouais, bravo. Ouais, je démarre un peu tard. Ouais, tueur, mon pote. Bien, bravo, Mokhtar, parfait. Ok. Il y a eu du parasitage. Attention, le gong peut retentir aussi pour toi, l'artiste. Mokhtar, petit dédicace, petit message à passer, on t'écoute, vas-y. Ouais, alors je vais dédicacer ma femme dans un premier temps, ma famille, les Emmaüs, Olney 93, ouais. Orge Valrin, Riquet 19ème, à partout où j'ai vécu, à tous les choses, à Boudou, Mehdi, toute la mif. Voilà. Tu peux me retrouver sur Facebook, Mokhtar officiel, M-O-K-T-A-R. Mokhtar officiel. Voilà, YouTube, Mokhtar ZM, M-O-K-T-A-R-Z-M. Il y a un album qui sort en septembre, Shambhai, il y a un prochain clip qui sort bientôt là dans une semaine et demie par là. Eh ben merci à toi, voilà. Mokhtar, et bon courage pour la suite. Voilà. Ah ouais, j'ai oublié, S-Auto Le Joke, FK, Boulak, Inek, SPM, voilà, tous les rappeurs de musique. Tu salues toute l'équipe là-bas, Olney. Merci. Voilà, toute l'équipe. Merci à toi, Mokhtar, sur Skyrock. Toi, tu viens d'où d'ailleurs, Case, région parisienne? Voilà, non, à la base, je suis de la ville de Dreux, dans le 28. Ah, bah le 28. À Dreux, ouais. On a Mehdi qui est du 28 voilà. Ici. À oui, Skyrock. Je sais, Mehdi qui est du 28. On présente Dreux. À Dreux, ouais. Toi, tu viens de Dreux? C'est ça. Donc, les tout premiers paris Euro New York ont été faits à Dreux? Ouais, exact. Dans la cave de chez les parents. C'était les bons souvenirs. Voilà, on big up tous les mecs de Dreux. Ouais. Eh ben on va écouter maintenant un extrait alors qui a pas été fait à Dreux a priori. Non, celui-là il a été fait à Porte de Clients. Non, celui-là il a été fait à Studio Phoenix. Gros big up à Factor Phoenix représente. On va écouter c'est quel morceau? Le morceau c'est Soirée Diesel Mokobé Dry. Gros morceau funk. Un de mes morceaux préférés. Donc on va Dry Mokobé maintenant. Qu'on connaît puis Diesel qui est nouvel artiste. Exactement, nouvel artiste du label Justin. Future génie. Une petite tueuse. Ah exactement. Ouais. Et eh ben on écoute tout ça maintenant, c'est extrait de Paris Euro New York, ça sort lundi. Aïe, DJ Case, mon côté dry, Diesel. Paris Euro New York. Hey Diesel, vas-y viens sur la piste là. Ok, Case, on y va là. Justin, je suis dans la boîte, je suis dans le club. Y'a des sons que je kiffe pas trop, mais j'aime l'ambiance. À la base, la funk c'est pas ma canne. J'essaie de suivre le mouvement. Je me contrôle plus sur la piste, tout le monde est dans son délire. Y'a même des gens jaloux, et je profite jusqu'à la fin. Après j'avoue, y'en a qui forcent jusqu'au bout de la night. Il est minuit sur ma toquante, je galère. Les gars se demandent où ils vont brûler un mois de salaire. Ça cause de boules, de bad bitch, ça va me plaire. Laisse les Brad Pitt fight pour un bout d'air. Je file comme une étoile pour me baisser à fond. Chercher la fuck et m'équiper de ma conce. Fini l'époque des guerres face au physio. Au platine y'a Kay, frère en chambre. Je suis un enfant de la fun comme James Brown. J'ai les jambes en feu. Le doigt en l'air, le paquet gris, c'est trop mielleux. Je suis à déguster, je suis à croquer. Chaud à l'intérieur, rappelle-moi moi le. Suis-nous sur la piste, c'est simple, tête des petits pas. Un petit cercle en dessous de la boule à facettes. Jamais sous tease avec mes yeux de chat. Il cherche pas la chiffre dans le ghetto, c'est la cerise. Je suis dans le club, y'a des sons que je kiffe pas trop, mais j'aime l'ambiance. Tout le monde est dans son délire, y'a même des gens chelous. Et je profite jusqu'à la fin. Après j'avoue, y'en a qui foncent jusqu'au bout de la night. Parfois t'as pas l'envie de sortir t'amuser, mais tes potes te t'engrènent. Alors tu te laisses tenter, et tu sais dorénavant qu'à la fin t'auras la migraine. Mais ça vaut le coup, donc tu t'emballes. Ta ambiance caliente, oh, tu peux même te mettre à lâcher deux trois petits pas de salsa. Beaucoup trop nostalgie, c'est clair, j'ai la funk en moi. Trop style, trop de classe, c'est la seule classe. J'ai sorti le 3 quarts, il est sous le bras. Je suis avec tout le quartier, ne me saoule pas. Chicha emporté, j'ai la hookah. Demain je m'arrête pas comme AP et Rimka. DJ Case, vas-y, lâche les décibels. On est là, on bouge pas comme le visage apparaît. Je suis dans le club, y'a des sons que je kiffe pas trop, mais j'aime l'ambiance. À la base, la funk, c'est pas ma canne. J'essaie de suivre le mouvement. Je me contrôle plus sur la piste. Tout le monde est dans son délire. Y'a même des gens jaloux. Et je profite jusqu'à la fin. Après j'avoue, y'en a qui forcent jusqu'au bout de la night. Je m'attire sur la bleuta. En attendant sur le pile, moi je tire des feutards. Comme au foot, ça les crochets dans la surface. Pour les frappes, on surpasse. Quand les autres font du surplace, on tue les surclasses. Le roi, c'est la qualité. Fais la fête et enterrons nos rivalités. Pas d'hémorroïdes, aucune, mais j'ose plus m'asseoir. Sur les caves, je mets les pleins. C'est OP, vous m'avez saucé. Une petite question, c'est gratuit avant minuit. Oh, j'ai pas les ronds qui payent sa conso. Je dis ça, je dis rien avant qu'on me traite de mi-jeton. C'est quoi l'ambiance? Oh, soirée Jordan ou Costa. Fais pas ta masse, talon aigu, tu vas te fouler la cheville. Toute la night. Toute la night, je suis dans la boîte, je suis dans le club. Y'a des sons que je kiffe pas trop, mais je rêve d'ambiance. À la base, la funk c'est pas ma canne. J'essaie de suivre le mouvement, je me contrôle plus sur la piste. Tout le monde est dans son délire. Y'a même des gens jaloux, et je profite jusqu'à la fin. Après, j'avoue, y'en a qui foncent jusqu'au bout de la night. Je suis dans la C'est Skyrock et le Planète Rap avec DJ Kaze au contrôle, Paris, Oran, New York. Qu'est-ce qui se passe, Kaze? Qu'est-ce qui se passe? J'entends rien chez moi. Bah, ça va venir, ça va venir. Le temps de régler 2-3 trucs et de retrouver le live. Non, je disais le morceau qu'on écoute à l'instant. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est réglé. Il fallait juste réglé. Que tu appuies sur le pourtant, bon bouton. Pourtant, je connais la maison. Ouais, je crois que t'as un peu perdu, t'as perdu la main. Avec Dry, avec Mokobé et Diesel à l'instant. Gros titre, ouais. Vraiment gros titre funk. Et celui-là aussi, on l'avait pas fait découvrir avant, mais première écoute, il donne quelque chose. Il est vraiment estival, summer. Et c'est un petit peu dans les couleurs de musique DJ Kaze. Ça sort le 25 août, lundi. Et maintenant, au micro, il est prêt. Je vois l'artiste, elle est là. Yes, yes, yo. Kaze, tu es prêt aussi? Très prêt. Allez, coup d'envoi live dans Planète Rap pour Paris, Rouen, New York. Yeah. DJ Kaze. Ça sort le 25 août. Paris, Rouen, New York. L'artiste baby. Commande et demi, Victoria Secret, le boutin de Saint-Denis, dans ce les laisser. Quand tu m'envoies tes photos, je zoome sur tes fesses. Je suis avec mes potos, ramène toutes les tigresses. Fais pas ta Beyoncé, j'ai pas le compte à quart d'heure. Tu vas finir penser, je ne dure pas qu'un quart d'heure. J'aime quand tu danses la Zumba, genre t'es de Sao Paulo. Mais mon pote tient rumba, parce que t'es une roroto. Le ramadan est fini, tu peux refaire ta folle. Enchaîner les garetti et les bouteilles d'alcool. Je te paie un jean, fais les pleins. Mais ma chérie, faut le remplir. C'est un cordon, fais les pains. 20 euros, je veux sortir. Au pire, il me reste mes mains. Et des photos de Rihanna. Quelques rouleaux de sopalin. Je suis à Punta Cana. DJ Kaze, on y va. L'artiste baby sur Skyrock, on y va. Trace, ce mec est trop dangereux. DJ Kaze, roulez. Remettez. Yeah. Cameroun. Big up à Cameroun. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Les mains en l'air. Et dans le studio, là, faut foutre le bordel. J'entends rien là-haut. DJ Kaze. De change, j'en tire pas sur ma chicha. Surtout si t'as les dents jaunes. On est là pour la déconne, on sera pas tous les jours jeune. Toi t'es là, t'es sérieux, mais tu passes une soirée jeune. Fini les portes du rail, ma cité a déjà craqué. On move sur du rail avec des gonzesses à croquer. Si les keufs nous écoutent, faut surtout pas paniquer. Je parle de tuyaux au charbon, c'est pas pour braquer. Tu fais faux de pied, respecte la mise. Mais dis qu'à ça, tu m'en rends. Je le fais ma délice. Talon aiguille, team grosse glisse. Alors un bac plus Maroc, bête de vie. J'ai refusé des trios avec des jolies femmes. Faut pas plus abuser, je vais sauver mon âme. En bécale, DJ Kaze, l'artiste, t'es obligé que t'es fan. Il a rien dans la ladin. T'as cru qu'il était plein, t'as fini au baladin. Fais le tour du périph, c'est comme ça qu'on se baladin. Qatari est champion, toujours numéro 1. Que Dieu me pardonne, je fais vider des bouteilles. Je repars pour les gosses. Salam à tous mes reilles. Je sais qu'un jour je vais couler, oui que je vais vous saouler. Mais tant que je serai là, la concurrence va recouler. Jusqu'au bout de la night. Auto c'est abusé, c'est le phénomène. Jusqu'au bout de la night. La musique nous a usé, c'est le phénomène. Champs-Élysées, cheese photo, pizza pino, vodka tello, tu connais la suite. Hey. Oh la fille à sa maman. Aïe. Moi, mon Kaizoune. Tu connais les bails, hein. Tu vas la secouer. Vraiment. Tu vas la secouer. Fous le bordel, fous le bordel. Et moi. Ensemble la famille. On va essayer de kicker un peu. Woo! Yeah. Yeah. La nuit tu fais des cauchemars. La nuit tu fais des cauchemars. La nuit tu fais des cauchemars, on fait des rodéos. Démarre le fer vite, évite la mondéo. Dans ce game de merde, tout le monde est haut. Vite prince, vite château dans les vidéos. Tout ça pour ça, gratter une broussa. Lâcher du flou ça, pour les couscous ça. Oh merde, ça c'est pour mes petites créatures. Je monte sur scène et je remonte la température. Tu me connais, c'est dans ma nature, t'foutes le feu. Je fais lancer les vieux, les types, sauf qui peut. Je ramène le sunshine, même qui pleut. Si ton mec veut plus, tu m'écoutes, ma belle qui pleut. Parce qu'à bon âme, ça se fera. Combien sont vraiment positifs. Je fais pas de théâtre, pas d'opéra. Je reste sincère, je raconte ma hip, king de la testa. Technique comme Iniesta, même avec un costard, je fais jamais la resta. Mais fais pas le malin, je suis bipolaire, je pourrais être malhonnête. Bon, tu vas déballonner, je suis rare comme ma marionnette. Devant. Aïe, DJ 15 à Paris. Bon, ça c'était. Bon, je l'ai pas en tête, mais ça arrive, c'est dans le prochain album. Ça s'appelle Don Decondo. Merci DJ Kaz, frérot. En live, à l'instant, dans Merci, Planet voilà, quoi, c'était. Un petit aperçu. Un peu timide, un peu fatigué, mais on est là pour le frérot, on booste quand même. Bien vu mon pote, voilà, bien quoi. Vu. Et donc le nouvel album de l'artiste, faudra attendre quoi, 2015? Faut, non, pas forcément. Pas forcément. Je pense que octobre, novembre, ça devrait se faire. Et j'ai écouté quelques titres. Bah. Attention. Allez. Donc loupez pas, guettez pour l'artiste qu'on trouve d'ailleurs en attendant ça sur Paris. Phénoménaux. Voilà. L'album. L'album va s'appeler Phénoménaux et. Avec bientôt. Des extraits qui arrivent là bientôt aussi prochainement. Très bientôt des extraits qui arrivent. Bon bah merci d'avoir été là avec nous, Kaze. Bah, avant de se quitter, avant de se dire au revoir, on va faire tourner aussi rapidement la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre ta compil Planet Rap 2014 volume 2 et ton iPad mini. Avec Laura qui nous appelle du 67, ça va bien Laura? Ouais, nickel, super. Bienvenue dans le Planet Rap 2, DJ ouais, Kaze, de l'artiste avec nous entre 20 et 21 sur Skyrock. Salut Laura. Salut. Tu es prête à prendre la balle quoi, ouais. Elle est en vacances Laura, grande... Je sais pas, ouais. Tu es en vacances Laura? Oui, encore un petit peu, ouais. Bah, profite. Je profite de mes filles, ouais. Bah, c'est bien. Donc, jeune maman à la maison, en train d'écouter Planet Rap de DJ Kaze. Et la roulette, tu dis stop dès que tu veux, c'est parti. Ça on y va. On file Planet Rap Volume 2, on retrouve d'ailleurs. Ah, bah, il y a une équipe avec toi. On retrouve d'ailleurs du swag avec Ash Magnum, avec Maître Gims. Et Laura, pour toi, bah, l'intégrale Planet Rap Volume 2. Et puis, on va rajouter voilà, aussi le Paris Oran New York qui sort lundi. Merci à vous, merci à l'équipe. Franchement, Skyroulette. Voilà, vous déchirez. On vous aide. Eh ben merci Laura, c'est qui derrière avec toi? C'est ma grande fille de 11 ans. Ah ouais, grande fille, je disais petite fille à la maison, mais grande déjà. Oui quand même. Elle s'appelle comment la... Elle s'appelle comment la grande? Elle s'appelle Lucille. Eh ben bisous à Lucille et à toi Laura. Merci beaucoup. Ciao les filles. On vous fait gros bisous. Bisous. Ciao, bisous les filles, merci à vous, merci à Kaze pour cette soirée. Merci à vous. Demain, tu vas revenir pour la dernière, déjà, la dernière. Eh ouais. Passez vite. Merci semaine. L'artiste. Merci à toi, aussi frérot. À son équipe, Bondi Nord, ouais. Ils sont là. Aïe. Bâtiment S, on connaît. Justin aussi, qui sont là. Samir, charismatique. Le Velvet, Chicha, 19e. Ali, avec Crimo, La Villa, 17e, 14 boulevard Bessières. Amine, Marseille. Et Choumi, mon pote Choumi. Là, lui, c'est le plus gros. Transporteur de Paris. Il prend le périph, il fait 4 fois le tour du périph en 5 minutes. Mais pour transporter quoi hein? Ah, ma frère. Ah ouais. Non, c'est Monsieur Téléréalité. C'est Monsieur Téléréalité. Eh ben, Choumi. Écoute, bravo, Choumi. Bravo, Choumi. Merci à toi pour le parcours et pour cette traversée du périph. Le record 4 tours en 10 minutes. Bravo. Bon, merci à vous tous. Demain, le retour. Des invités encore pour finir, Kaze Ouais, demain. Donc, surprise. Bon, bah, surprise demain 20-21. Et puis, l'artiste, on attend donc octobre, novembre. Ouais, voilà. C'est phénoménal. C'est dans ces eaux-là, voilà. Pour l'instant, il y a DJ Kaze le 25 août. Yes. Voilà. Et je suis dedans avec pas mal d'autres artistes et c'est lourd. Allez l'acheter, les frères. Merci à vous tous. Il est grand temps maintenant de retrouver D-Fool et nous, demain, le retour de Planet Rap. Ciao!